doute, paraît que t'as mis en scène ta go, paraît que t'as parlé d'un monde d'autre, paraît que tu dis de l'héros, t'es à fond, dans la peau d'eau, paraît que t'as viré PD, que tu suces des bites comme un travelo, paraît que tu pèses, t'es un 6 gros, un chien de baisse, si t'es un 6 trop, paraît que ton père est un 6 tra, on fera la fête quand il crèvera, paraît que t'es dingue d'un flingue, tu crois que t'es seul, t'es qu'un baltringue, paraît que pour éviter les blèmes, tu marches avec les teurs inspect, paraît que t'as la nouvelle BM, t'as convaincu de psartec, paraît que le rap n'était qu'une mode, quand comme elles sont fous dans ses chaussettes, paraît que leur trou blanc des trucs dans son U comme les rolls shit dans leurs chaussettes, paraît que t'es fort comme un turc et que tu te fais sodomiser comme un grec, paraît que ça arrive pas que ça se passe, paraît que ta rose est une vraie tasse, paraît que ton pote va prendre ta place, on veut pas de toi sur le banc, on trace ton chemin, est pas des lignes comme Maradona, à ce qui paraît le gros Diego ces derniers temps est tombé bien bas, j'ai pas pu décrocher staff, paraît que j'ai pas la gueule de l'emploi, on m'a dit manutention, paraît que j'ai de bonnes épaules, paraît que je fais pas partie du staff, les backstage c'est pas pour moi, j'parais que tu deviens fou, chaque fois que tu nous entends pira, paraît qu'on se la raconte, paraît que sur nous tu te fais des films, paraît que j'ai mis en scène cette fille, elle m'a juste sucé la bite, paraît pour faire péter le score, paraît que les paris sont ouverts, paraît que je fais pas assez d'efforts, qu'ils aillent tous niquer leur mère, paraît que t'as grandi en prison, que tu m'as mis un coup de pression, que je ne suis qu'une impression, que ton passé c'est notre présent, ok, paraît qu'on y arrivera pas, notre rap est déjà mort, mais t'es fou toi, c'est de la zic en diamant et déjà en or, paraît qu'on est des parasites, que nos coutumes sont trop cheloues, que Nicolas n'est pas raciste, n'oubliez pas qu'on est chez nous, qui sont les plus vrais, paraît que c'est vous, mais c'est fou, l'avenir nous appartient, pour nous c'est clair, vous c'est flou, paraît que même des keufs kiffent mon son, malgré quelques-uns de mes textes. Ils l'ont dit au refrain tout en fouillant dans sa caisse. Paraît qu'on est des baltringues qui n'osent pas comme des poufs. Demande au mec à quatre pattes comment j'ai des pénalties dans la bouche. Paraît que les noirs sont tous des rappeurs, des braqueurs ou des gratteurs. Que les blancs sont tous des racistes, peuple riche qui a peur. Oh non, le rap est fatigué, négro à ce qui paraît. Y'a deux types qui viennent réveiller ça, mec, c'est juste les parrains. J'ai pas pu décrocher staff, paraît que j'ai pas la gueule de l'emploi. On m'a dit manutention, paraît que j'ai de bonnes épaules, paraît que je fais pas partie du staff. Les backstage c'est pas pour moi, j'parais que tu deviens fou, chaque fois que tu nous entends pira, paraît qu'on se la raconte, j'parais que sur nous tu te fais des films, paraît que j'ai mis en scène cette fille, elle m'a juste sucé la bite, paraît pour faire péter le score, paraît que les paris sont ouverts, paraît que je fais pas assez d'efforts, qu'ils aillent tous niquer leur mère, paraît que c'est de plus en plus chaud, un genre de microclimat, l'effet de serre, à ce qui paraît on respire mal, l'air est pourra, paraît que c'est de la pénurie de shit, il te reste qu'à fumer tes doigts, l'effet CRS j'avais, ça pue la zone, pris trop de poucave, paraît que c'est de la grosse merde, par leur excès les frères s'enfoncent, paraît zone pour 10 cents, pour moins que ça la lame s'enfonce, paraît que ça parle mal sur ta mère, je pense qu'il faut manger cette offense, toujours là pour foutre la merde, mon jeu fétiche quand j'étais gosse, paraît que les frères aiment pas les PD, mais c'est entre eux qui s'enfilent. Tu connais, paraît qu'on nous écoute, y'a de l'écho dans le sans fil. Paraît que vos meufs me préfèrent et que je suis leur meilleur ex. On vient vers, c'est la tendance pour qu'ainsi les meilleurs restent. La rumeur dit que tu veux nous trouer, tu sais où nous trouver. Que la police est censée protéger, ceci reste à prouver. C'est qui ça, AKR et Prédate. Paraît que tu perds les pédales, des gens nous auraient mis à poil. J'parais que c'était des pétages. J'ai pas pu décrocher staff, paraît que j'ai pas la gueule de l'emploi. On m'a dit manutention, paraît que j'ai de bonnes épaules, paraît que je fais pas partie du staff. Les backstage c'est pas pour moi, j'parais que tu deviens fou, chaque fois que tu nous entends pira, paraît qu'on se la raconte, j'confirme, paraît que sur nous tu te fais des films, paraît que j'ai mis en scène cette fille, elle m'a juste sucé la bite, paraît pour faire péter le score, paraît que les paris sont ouverts, paraît que je fais pas assez d'efforts, qu'ils aillent tous niquer leur mère, j'ai pas pu décrocher staff, paraît que j'ai pas la gueule de l'emploi, on m'a dit manutention, paraît que j'ai de bonnes épaules, paraît que je fais pas partie du staff, les backstage c'est pas pour moi, j'parais que tu deviens fou, chaque fois que tu nous entends pira, paraît qu'on se la raconte, j'confirme, paraît que sur nous tu te fais des films, paraît que j'ai mis en scène cette fille, elle m'a juste sucé la bite, paraît pour faire péter le score, paraît que les paris sont ouverts, paraît que je fais pas assez d'efforts, qu'ils aillent tous niquer leur mère.